nos deux philosophes étaient prêts à s'embarquer dans l'atmosphère de Saturne avec une fort jolie provision d'instruments mathématiques lorsque la maîtresse du Saturnien, qui en eut de nouvelles, vint en larmes faire ses remontrances. C'était une jolie petite brune qui n'avait que 660 toises, mais qui réparait par bien des agréments la petitesse de sa taille. « Ah, cruel !» s'écria-t-elle, « après avoir résisté 1500 ans, lorsqu'enfin je commençais à me rendre, quand j'ai à peine passé 100 ans entre tes bras, tu me quittes pour aller voyager avec un géant d'un autre monde. Va, tu n'es qu'un envieux, tu n'as jamais eu d'amour. Si tu étais un vrai Saturnien, tu serais fidèle. Où vas-tu courir ? Que veux-tu ? Nos 5 lunes sont moins errantes que toi, notre anneau est moins changeant. Voilà qui est fait. Je n'aimerai jamais plus personne. » Le philosophe l'embrassa, pleura avec elle, tout philosophe qu'il était, et la dame, après s'être pâmée, alla se consoler avec un petit maître du pays. Cependant, nos deux curieux partirent. Ils sautèrent d'abord sur l'anneau, qu'ils trouvèrent assez plat, comme l'a fort bien deviné un illustre habitant de notre petit globe. De là, ils allèrent, de lune en lune. Une comète passait tout auprès de la dernière. Ils s'élancèrent sur elle avec leurs domestiques et leurs instruments. Quand ils eurent fait environ 150 millions de lieues, ils rencontrèrent les satellites de Jupiter. Ils passèrent dans Jupiter même et y restèrent une année, pendant laquelle ils apprirent de fort beaux secrets, qui seraient actuellement sous presse, sans messieurs les inquisiteurs, qui ont trouvé quelques propositions un peu dures. Mais j'en ai lu le manuscrit dans la bibliothèque de l'illustre archevêque de... qui m'a laissé voir ses livres avec cette générosité et cette bonté qu'on ne saurait assez louer. Mais revenons à nos voyageurs. En sortant de Jupiter, ils traversèrent un espace d'environ 100 millions de lieues. Ils côtoyèrent la planète de Mars, qui commençait et 5 fois plus petite que notre petit globe. Ils virent 2 lunes qui servent à cette planète et qui ont échappé au regard de nos astronomes. Je sais bien que le père Castel écrira, et même assez plaisamment, contre l'existence de ces 2 lunes. Mais je m'en rapporte à ce qui résonne par analogie. Ces bons philosophes-là savent combien il serait difficile que Mars, qui est si loin du Soleil, se passât à moins de 2 lunes. Quoi qu'il en soit, nos gens trouvèrent cela si petit qu'ils craignirent de n'y pas trouver de quoi coucher. Ils passèrent leur chemin comme 2 voyageurs qui dédaignent un mauvais cabaret de village et poussent jusqu'à la ville voisine. Mais le Syrien et son compagnon se repentirent bientôt. Ils allèrent longtemps et ne trouvèrent rien. Enfin, ils aperçurent une petite lueur. C'était la Terre. Cela fit pitié à des gens qui venaient de Jupiter. Cependant, de peur de se repentir une seconde fois, ils résolurent de débarquer. Ils passèrent sur la queue de la comète et, trouvant une aurore boréale toute prête, ils se mirent dedans et arrivèrent à terre sur le bord septentrional de la mer Baltique, le 5 juillet 1737, nouveau style.